conférence de Daniel Kemp ayant pour titre « Comment développer son discernement ». Je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié que les cassettes sont disponibles à la fin ou à l'entracte. J'aimerais qu'on accueille sans plus tarder M. Daniel Kemp. De doigté. Ou de discernement. Qu'est-ce que c'est le discernement? Le discernement, c'est la capacité que devrait avoir une conscience de trancher entre la réalité et l'illusion. Donc, c'est de faire le discernement, exactement. Donc, de séparer ce qu'on pense, de séparer ce qui est. Oui, séparer la réalité de l'illusion, c'est être capable de discerner. On sert de ça, on pourrait se servir de ça dans tous les jugements. On devrait se servir de ça. Mais est-ce qu'on s'en sert pas déjà? Est-ce qu'on n'a pas déjà la capacité de déterminer ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai? Non. De ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai, oui, mais pas de ce qui est réel, de ce qui est vrai. Et le vrai, la vérité, ça fait partie de l'illusion. Donc le vrai, c'est pas réel? Le vrai, c'est pas réel. C'est réel en tant qu'entité, en tant que phénomène psychologique, mais la vérité n'est pas représentative de la réalité, même si la vérité est réelle. L'illusion est réelle, sauf que l'illusion est un mensonge, mais le mensonge est réel. Est-ce que le faux est réel? Ah, le faux est totalement réel. C'est pas de problème, c'est le vrai qui n'est pas réel. Non, le vrai est réel, sauf que le vrai n'est pas représentatif de la réalité. Si je te dis qu'une chose est bleue, c'est vrai que je te dis que la chose est bleue. Mais si la chose est jaune, ça n'empêche pas que quand je dis la chose est bleue, c'est vrai que je dis la chose est bleue. Mais la chose est jaune. La vérité, c'est une coloration de la réalité. C'est un point de vue très limité qui est normalement apporté par une conscience astralisée, une conscience colorée, une conscience humaine face à une chose réelle qui n'est pas un point de vue. Vois-tu, il y a une vue et il y a un point de vue. C'est-à-dire que lorsque l'humain a une conscience suffisamment développée, une conscience supramentalisée, il n'a pas de point de vue. Il a une vision globale d'une chose, mais il n'a pas de point de vue. Lorsque l'humain est astralisé, lorsque l'humain est assujetti à une conscience planétaire, à une conscience terrestrifiée, donc à une conscience limitée, sa conscience ou sa vision est limitée par les mots, limitée par sa mémoire, par son expérience, et il a un point de vue, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une petite portion de la vision. Ce point de vue est pour lui une vérité. Lorsque, dans sa manipulation, on peut dire lorsque dans sa conscience astrale, il décide de transformer son point de vue, alors là, il compte un mensonge. Est-ce qu'on a tous le même point de vue? Ah non! Au niveau de l'évolution, est-ce que le point de vue agrandit, rapetisse ou se modifie? Ça dépend des égos. Lorsque l'être humain vit une vraie évolution, c'est-à-dire qu'on doit savoir que l'âme n'évolue pas, l'âme c'est un piège, l'âme c'est le frein majeur à l'évolution de l'homme. Lorsque l'être humain a une augmentation de conscience, c'est-à-dire que lorsque sa conscience prend de l'expansion, nécessairement son point de vue est de plus en plus grandissant. Vu que le point de vue grandissant, lentement, celui qui se conscientise englobe dans son point de vue les points de vue les plus proches de celui qu'il avait avant, donc les points de vue les plus proches du sien. Au fur et à mesure de l'expansion de sa conscience, que spirituellement on appelle l'évolution, l'homme, la femme ou l'enfant, celui qui, l'être qui se conscientise, l'être qui évolue, va avoir accès à une quantité de plus en plus grandissante de points de vue. À un moment donné, il aura accès à tous les points de vue de ceux qui vivent autour de lui. Finalement, il aura accès à tous les points de vue permis à l'humain de la planète. Est-ce qu'il y a des individus qui peuvent avoir deux points de vue? On dit souvent dans une discussion qu'on a deux points de vue différents. Diamétralement opposés. Diamétralement opposés. Est-ce qu'on peut dire que les individus ont un point de vue d'une grandeur, d'un angle semblable, mais d'une direction opposée? Ben, l'angle est semblable. C'est-à-dire la même portion de vision. Oui, absolument. Ils ont tous les deux une vision 5% ou 5 degrés. Et ils peuvent être totalement opposés. C'est-à-dire qu'un être humain, par exemple, va voir dans la réalisation d'une entreprise des possibilités extraordinaires de réussite. Une autre personne, lui, ce qui va frapper les mémoires de son expérience, ce sera des morceaux d'informations qui vont engendrer chez lui une vision totalement opposée, une vision où il verra les possibilités d'effondrement de l'entreprise. Les deux peuvent voir la même chose. Les deux peuvent voir, prenons une personne qui va investir à la bourse, les deux peuvent voir les possibilités de faire des gains à la bourse. Les deux vont voir les possibilités de perdre tout à la bourse. Mais il y en a un pour qui tout perdre à la bourse ne résonne pas dans son expérience, mais gagner résonne dans son expérience, donc il voit positivement à la bourse. L'autre fait l'inverse. Dans la mémoire expérientielle qui l'anime, il résonne énormément aux possibilités de perdre, alors que dans sa mémoire, il n'y a pas de résonance au point de vue de gagner, ce qui fait que lui dit non, on n'investit pas, l'autre va dire es-tu fou, tu vas tout perdre si tu n'investis pas, si tu investis tu vas gagner, et les deux ont les mêmes choses en vision, mais auront des points de vue totalement différents de par leur conscience. Autrement dit, le paramétrage des deux points de vue est du point de vue de l'information similaire, mais du point de vue de la gustation, la capacité de goûter ou de discerner des deux individus étant totalement différentes, les deux exprimeront un point de vue qui sera diamétralement opposé. Et c'est par rapport à leur mémoire, de leur expérience? Par rapport à ce qui les anime, donc par rapport à leur âme, donc par rapport à ce qui les manipule, donc par rapport à ce qui les freine dans leur évolution, donc par rapport à ce qui les garde humains. Puis ils ont peut-être tort tous les deux, peut-être la bonne décision. Ils n'ont pas peut-être tort tous les deux, ils ont totalement tort tous les deux. Mais si la bourse monte, celui qui voulait acheter, il avait raison. Il avait tort. Il avait tort dans quel sens? Ben, il avait tort dans son point de vue. Ben, s'il avait vu que la bourse allait monter, puis investir, puis faire de l'argent, il a eu tort à quel endroit? Voilà. Un être humain qui a raison est un être humain qui a raison. Donc, un être humain qui a raison une fois a raison toutes les fois. Sinon, il n'aurait jamais eu raison. Ça s'adonnait que ça s'adonnait bien, mais il n'avait jamais eu raison. Son point de vue était faux. Il était basé sur des émotivités. C'est comme moi, je vais dire, par exemple, ce cheval là-bas, il a une tache brune sur le front, alors il va gagner, et effectivement, il gagne. Voilà, j'avais raison. J'avais totalement tort. C'est parce qu'il avait des muscles, c'est parce qu'il était drogué, c'est parce que, mais ce que tu voudras, mais c'est pas parce qu'il avait une tache brune sur le front, donc mon point de vue était faux. Oui, mais j'avais raison, j'ai gagné. Parfait. On va changer d'écurie, puis tous ceux qui ont des taches brunes sur le front, viennent parier pour. On va voir si tu as raison. Et l'humain va dire, ben la tâche n'était pas la même, il y avait un poil de moins, un poil de trop, une poussière dessus. L'humain n'a jamais raison. Il n'y a pas d'hommes sur cette planète qui un jour ont eu raison et qui auront raison un jour. Il n'existe pas. Pour avoir raison, il faut avoir raison tout le temps. Ben, c'est évident. Comment on fait pour avoir raison tout le temps? Est-ce que c'est possible? Non. Il n'y en a pas dans le passé. Tu dis qu'ils ont eu raison, mais est-ce que dans le futur, il y en aura? Dans le futur, il n'y en aura pas non plus. Donc, ça donne quoi d'apprendre à discerner si on n'aura pas raison de toute façon? Ça donne bien des choses. Avoir raison est un point de vue. Celui qui a le discernement englobe la chose. La chose dans cette étymologie serait, par exemple, tout le phénomène cosmologique relié à la planète Terre. Celui qui n'a pas de point de vue et qui a un discernement englobe toutes les conditions évolutionnaires de la planète. De ce que tu appelles le passé, de ce que tu appelles l'avenir et de ce que l'humain appelle le présent. Donc, il n'a pas de point de vue. Il voit tout. Ce n'est pas un point de vue. Je ne vais pas voir la salle ici. Mon point de vue de la salle fait que je peux écrire des choses que toutes les autres personnes dans la salle ici ne peuvent pas voir. Il va falloir que les autres se tournent de bord, donc perdent leur point de vue pour adopter mon point de vue. Mais encore là, étant donné qu'ils ne sont pas placés exactement à la même place que moi, ils auront un point de vue semblable, ils n'auront jamais mon point de vue. Et en plus, pour avoir exactement mon point de vue, ils devront avoir les yeux exactement comme les miens, placés exactement aux mêmes places. Ils devront avoir la faiblesse ou la puissance oculaire que j'ai. Ils devront avoir le même système nerveux du point de vue des nerfs optiques, le même système neuronique, le même périsprit, les mêmes mémoires expérientielles, le même ego, donc les mêmes facteurs réincarnationnels. Et donc, personne sur la planète qui a un point de vue identique à quelqu'un d'autre. Absolument. Personne n'a le même point de vue. Maintenant, lorsque l'être humain veut avoir raison, nécessairement, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut communiquer que son point de vue est le point de vue. Et c'est une mécanicité de l'orgueil, une mécanicité de l'ego. L'être humain n'a jamais raison. Il n'aura jamais raison. Par contre, nous pouvons exprimer la réalité, mais nous n'avons pas raison. Pour exprimer la réalité, pour avoir un discernement total, il faut que l'être humain soit totalement anégoïque, donc il n'ait plus d'ego. S'il n'a plus d'ego, il ne tient pas à déployer de l'énergie pour défendre son point de vue, son opinion. Et il ne tient pas à avoir raison, parce que dans la mécanique de l'évolution supramentale, l'humain, qui devient un être humain, conscientise totalement l'absurdité de vouloir défendre un point de vue. Parce que mon point de vue, c'est mon point de vue. Nécessairement, pour mon ego, pour ma propre perception, pour l'expérience que je suis, c'est l'unique point de vue auquel je peux me référer. Nécessairement, il est différent du tien. Mais le tien, ton point de vue, est l'unique référence par laquelle ton ego peut connaître le monde. Donc, nécessairement, tu tiendras ton point de vue. Et comment voulez-vous convaincre un ego qui observe qu'un mur est brun, que le mur est jaune? Si mon œil, mes deux yeux font que je le vois brun, je le vois brun. Alors, je vais vouloir avoir raison et vouloir t'instruire que le mur est brun. Toi, tu le vois jaune par altération biologique ou par amélioration biologique et tu voudras défendre ton point de vue. Comment puis-je, moi, convaincre ton ego que ce que tu vois est faux? Il y a beaucoup d'humains sur la planète Terre, il y a beaucoup trop d'humains sur la planète Terre, beaucoup trop d'égo humains, qui se laissent convaincre quand même qu'un mur jaune est brun parce que quelqu'un qui semble avoir de l'autorité leur dit. S'il y en a 12 qui ont dit qu'il était brun, il doit être brun. Oui, c'est ça. Même s'il le voit jaune, automatiquement, il prend des pilules, il se met des verres de contact colorés, il se met des gouttes, il va voir un médecin, il va essayer de s'arranger pour devenir normal, ou bien il va simplement dire, comme tout le monde, que, ben, effectivement, c'est jaune. Alors que dans le fin fond de lui, il va devenir à un moment donné schizophrène, paranoïaque, il va se passer quelque chose, il va devenir psychotique simplement parce qu'il va toujours lutter contre le fait que lui voit quelque chose de brun, alors qu'il sait maintenant que c'est jaune. Si on enlève le terme « avoir raison », puis qu'on le remplaçait par « être efficace » dans ses décisions, si j'ai à prendre une décision... L'humain ne sera jamais efficace. Ben, c'était pas encourageant. Non, c'est ridicule d'encourager quelqu'un, c'est de lui compter des menteries. Mais est-ce qu'un jour, on va pouvoir prendre des décisions sans avoir raison, sans être efficace, puis prendre la bonne décision? Non plus. Arrêtez de se tromper. Premièrement, qui on va pouvoir prendre la bonne décision? L'ensemble des humains sur la planète. Ben, oui. OK, enlève l'ensemble, là, individuellement. Oui, mais si l'ensemble ou l'individualité des humains sur la planète prend la décision de ne plus prendre de décision, alors on pourra considérer qu'ils ont pris la bonne décision. La Terre n'arrêtera pas de tourner, mais il ne se passera plus grand-chose. Ah non, la Terre va continuer à tourner. Il ne se passera plus grand-chose si tout le monde, un matin, arrêtait de prendre des décisions. C'est un point de vue. C'est le point de vue de celui qui a l'illusion de prendre des décisions, qui dit que si on ne prend plus de décisions, tout va arrêter. Parce qu'il est convaincu que c'est parce qu'il prend des décisions que les choses bougent. Alors que l'humain étant totalement manipulé, même s'il ne prend plus de décisions, ça va continuer à bouger pareil. Mais si tu arrives à l'ascenseur et tu hésites entre l'ascenseur de droite et l'ascenseur de gauche, tu ne prends pas de décision ni un ni l'autre. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes en bas? Ou non, à un moment donné, tu vas te retrouver dans l'un des deux ascenseurs. Tu n'auras pas pris de décision non plus. Tu vas trouver qu'un miroir, tu vas trouver celle de plus payant, tu vas être manipulé par une perception quelconque. Et parce qu'il y a plein de monde qui vont rentrer, ou parce qu'il y a plein de monde qui vont sortir, ça va prendre l'autre, ou parce qu'il y en a un qui va fumer, puis il y en a un qui va péter. Bon, il y a quelque chose qui va faire que ça va prendre l'une des deux ascenseurs, ou c'est en retourner chez vous, ou que tu vas rester là. C'est prendre une décision que de ne pas prendre de décision. Oh, finalement, c'est la même chose. Jamais l'humain n'aura raison. Il n'a jamais eu raison, il n'aura jamais raison. Est-ce qu'il y a tort? Totalement tort. Mais si il a tort parce qu'il a pris une décision ou parce qu'il se laisse aller? Non, il a tort simplement parce qu'il est convaincu qu'il peut avoir raison. Il a tort parce qu'il est convaincu qu'il prend des décisions. Il a tort parce qu'il n'est pas capable de discerner entre le mensonge cosmique qu'il l'a créé, qu'il l'a généré et qui maintenant le nourrit et l'anime. Il n'est pas capable de discerner entre le mensonge cosmique créateur de l'homme de la réalité créateur du mensonge cosmique, finalement créateur de l'homme. Si elle arrêtait de prendre des décisions, ce qu'elle arrêterait d'avoir tort? L'humain ne peut pas... C'est évident que s'il arrête de prendre des décisions, il ne plus tard. Mais l'humain ne peut pas décider de ne plus prendre de décisions. Il y a énormément de choses qui se font au niveau de l'évolution qui font partie de la gestion du déplacement du temps et de l'espace. C'est-à-dire que l'humain doit attendre des dates. Entre ça, il doit s'occuper. Les dates, ce ne sont pas des dates chronologiques, ce ne sont pas nécessairement le 1er septembre de l'an 1994 qui va faire en sorte qu'à un moment donné, une conscience particulière va avoir atteint un niveau d'éveil, un niveau de vision. Mais ce sont des dates qui ne font pas partie de l'évolution chronologique de la rotation de la planète Terre autour du Soleil, la translation du Soleil autour de la galaxie. L'être humain n'a pas le choix. Les individus qui sont ici ce soir n'ont pas pris de décision, moi et toi non plus. Nous sommes ici. Par contre, pour que notre ego accepte plus facilement d'être ici, et pour que l'ego ne souffre pas dans sa désillusion des dieux, que l'ego ne découvre pas qu'il n'a pas la capacité de décision. Alors, on a investi l'ego de certaines paroles, de certains mots, créant des phrases, où on a laissé sous-entendre à l'ego qu'il avait décidé de venir ici ce soir, pour parler, pour questionner ou pour écouter. C'est une farce. Lorsque l'humain veut avoir raison, lorsque l'humain prend une décision, c'est lorsque l'humain reste assujetti à la condition très, très involuante de l'ego, où il croit que c'est lui qui mène le jeu. Le discernement, c'est la capacité qu'aurait une conscience de discerner entre la réalité de l'illusion. Donc, de discerner la réalité du mensonge cosmique. Nécessairement, dans le début, l'ego, lui, l'ego, c'est le mensonge cosmique. Autrement dit, Dieu, c'est le mensonge cosmique. La création, c'est le mensonge cosmique. La chute de l'homme, c'est le mensonge cosmique. La femme créée à même l'homme, c'est le mensonge cosmique. Dans la vision où l'homme ou la femme peuvent considérer ce genre de palabre, c'est un mensonge. La possibilité de l'arbitre, c'est le mensonge cosmique. La possibilité de décider, c'est le mensonge cosmique. La mort, c'est le mensonge cosmique. La naissance, c'est le mensonge cosmique. La souffrance, ça n'existe pas, la souffrance. C'est une aberration mémorielle, temporelle. C'est un mensonge cosmique. La procréation, la réincarnation, l'ajusteur de pensée, ça, ça fait partie du mensonge cosmique. La réalité est une chose. Sauf que l'être humain, lui, est, étant donné que l'être humain a été créé, l'être humain est une créature du temps, donc une créature de la mémoire, donc une créature du mensonge. Et quand je parle de l'être humain, je parle de ce que l'être humain considère l'être humain. Comme tout le monde est dans le mensonge et que tout est un mensonge, quel est l'avantage ou quelle est l'utilité de pouvoir discerner le mensonge de la réalité? Premièrement, il y a différents degrés de mensonges. Il y a des degrés de mensonges plus efficaces que d'autres. Lorsque l'être humain a la capacité de travailler sur des lois qui font partie du mensonge cosmique, mais des lois secondaires dans la constitution du mensonge cosmique, des lois qui régissent des mensonges tertiaires. Autrement dit, il y a des mensonges extrêmement bruts. Il y a des mensonges extrêmement épais, denses. Et lorsque l'être humain est capable, dans sa conscience astrale, de découvrir ce mensonge dense et épais, il découvre des lois qui régissent ces mensonges. Mais ces lois font partie du mensonge plus subtil. Alors, connaître un mensonge plus subtil nous permet d'être le maître de ceux qui sont dirigés par les mensonges épais. Lorsque nous découvrons encore que nous sommes encore fait avoir, nous découvrons d'autres lois. Et ces lois, nous finissons par considérer, c'est un point de vue, qui est de plus en plus grand, mais c'est un point de vue. Nous considérons maintenant avoir découvert des lois qui régissent le mensonge. Des lois qui nous permettraient sans doute de devenir intelligents, de nous libérer de la manipulation. Et à un moment donné, on découvre encore que ces lois font encore partie d'un mensonge plus subtil. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'à travers cette découverte, l'homme approche. L'homme s'approche, la conscience de l'homme s'approche d'un temps où il discernera. Un temps où il sera capable de filtrer la totalité de l'intelligence sous-jacente à la forme, de l'intelligence sous-jacente au mensonge, donc de l'intelligence sous-jacente à l'illusion. Au lieu, dans sa conscience, au lieu d'avoir des raisonnements, des explications, des réponses à des questions qui, lui, ne se posent pas, mais qu'on pose dans sa tête, et que lui, maintenant, accrédite, il cherche les réponses à des questions qu'il, finalement, il ne se pose même pas, lorsque notre être humain arrive à discerner, il aura la capacité, comme la baleine, de prendre une grande goulée d'eau et, en refermant sa bouche, de faire sortir tout ce qui n'est pas nutritif pour elle, donc finalement l'eau, et de conserver dans ses fanons seulement le phytoplancton ou le plancton qu'elle a besoin pour se nourrir. Lorsque l'être humain a le discernement, lorsque l'être humain a la capacité de discerner, cela veut dire lorsque l'être humain est capable de filtrer à travers l'événement de la vie, qu'il a besoin pour se nourrir d'expérience. L'être humain est un être qui, comme Pac-Man de jeu, se nourrit de l'expérience du temps et il démolit le temps et l'événement au fur et à mesure qu'il le cumule dans sa mémoire. Donc, pour l'être humain, il y a un avenir, il n'y a pas de passé. Le passé, c'est irréversible, c'est fini. Notre être humain qui se nourrit de l'événement, donc de l'événementiel, se nourrit, premièrement, il va se nourrir d'expérience supramentale. On va revenir sur ce que c'est que l'intelligence supramentale d'une façon plus terrestrifiée, d'une façon plus terre-à-terre, de quelle façon on peut scientifiquement même la décoder. Il y a l'expérience supramentale et il y a la forme que va prendre l'expérience supramentale pour être accessible à l'œil, à l'oreille, au nez, à la bouche, au toucher de l'humain. Et toute cette forme-là, cette prédigestion de l'intelligence supramentale pour être accessible à l'humain, c'est le mensonge. Sauf que lorsque l'intelligence supramentale te montre une étoile avec le doigt, l'humain regarde le doigt et considère que c'est là l'objectif suprême, le doigt. Alors que le doigt, c'est un outil, une forme, qui devrait servir à diriger quelque chose d'autre. Mais le mensonge aura quand même été utile. Le mensonge, tout est utile. Sauf que lorsque tu crées de ta main, avec de la glace, un être conscient. Et l'être conscient, immédiatement, embrasse ta main, adore ta main, et il ne voit pas qu'il y a une tête au bout du bras. Et à un moment donné, il coupe la main pour la garder. Et la main sèche, la main pourrie, et il l'adore, et il voit dans le pourrissement de la main, l'évolution suprême de Dieu. C'est ce qu'on a fait avec la théologie, avec toutes les images archétypées qu'on a descendues au niveau planétaire, des phénomènes créationnels. On en a fait des choses mortes, on en a fait des fantômes, des zombies qu'on doit nourrir par la prière, qu'on doit nourrir par la souffrance, qu'on doit nourrir par la pénitence, qu'on doit nourrir par le repentir et ce genre de choses. L'être humain qui a la capacité de discerner a la capacité, comme tous les autres êtres humains, de traverser la vie. Sauf qu'ils vont traverser la vie, ces humains discernatifs, d'une façon neuve, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de décoder l'intelligence qui a pris forme pour que le corps physique puisse vivre dans l'intelligence, pour que le corps physique, donc pour que l'animal humain, pour que l'être humain puisse vivre dans un événement créationnel qu'on appelle la vie, qu'on appelle l'événement. Et là, lorsque l'être humain qui a le discernement sera capable de vivre là-dedans, il aura à chaque fois, à chaque millionième de milliardième de seconde, c'est instantané dans la réalité, à chaque fois qu'il prendra une bouchée de vie, il sera capable de filtrer la totalité de ce qu'il aura pris et il ne restera dans sa conscience lucide qu'une trace d'intelligence, c'est-à-dire qu'il sera capable de découvrir la trame sous-jacent à la trame, qui sous-tend la trame de la trame qui maintient le mensonge cosmique. Là, à ce moment-là, quand il a filtré tout et qu'il a gardé la vérité ou la réalité... Ça ne lui sert à rien pour manger mieux, ça ne lui sert à rien pour gagner la loterie, ça ne lui sert à rien pour s'habiller mieux, ça ne lui sert à rien pour être en meilleure santé, ça ne lui sert à rien pour vivre immortel. Ça lui sert à quoi? Ça lui sert à rien pour l'instant. Ah bon? Mais ça va... Est-ce qu'il va prendre une décision à ce moment-là? Oh non. Celui qui a le discernement ne prend pas de décision. C'est celui qui n'en a pas qui prend des décisions. Donc là, il y aurait théoriquement un outil qui lui permettrait de faciliter sa décision, mais il n'en prendra pas plus. Non. Il ne prend pas de décision pour la simple raison qu'il va, au fur et à mesure de la servitude du discernement vers lui, au fur et à mesure qu'il sera capable de se servir de ce discernement, il va simplement devenir une missile à tête chercheuse. Il va être capable de changer de cap régulièrement en fonction de la cible. Et la cible sera uniquement la réalité. Alors, il sera maintenant capable de discerner les nuages, de discerner les bateaux amis, de discerner les avions amis, de discerner tout ce qu'il doit éviter pour pouvoir se diriger vers sa cible, c'est-à-dire un point focal dans l'espace-temps qui permet, un point focal qui relie le peu de conscience qui habite l'humain actuellement, je parle de l'individu, à tout ce qui l'attend au-delà de cela, qui est l'intelligence supramentale, qui est la partie la plus basse des phénomènes céleste. L'être humain qui a un discernement devient missile à tête chercheuse, qui va l'amener sans jamais qu'il ait à prendre de décision, directement vers ce trou, où il aura, lorsqu'il traversera ce trou, la capacité, premièrement, de courber l'espace-temps, c'est-à-dire qu'il sera capable de se retrouver dans sa conscience, non pas d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour, d'heure en heure, de minute et de seconde en seconde, il sera capable de se retrouver dans des temps qui font partie des futurs possibles de l'actuelle humanité et qui ne feront pas nécessairement partie de l'avenir de l'humanité. Comme les lois, tu disais tantôt que les lois qui régissent le mensonge sont elles-mêmes des mensonges qui sont régis par d'autres lois plus subtiles qui sont aussi des mensonges, la réalité est visée. Est-ce que c'est pas ça aussi un mensonge, qu'à chaque fois qu'on va s'en approcher, ça va être une autre réalité, puis la cible. Sauf que la réalité que l'on va viser va être une réalité extrêmement pure, donc c'est la réalité créationnelle, mais l'humain qui, présentement, est en train de discerner, l'humain qui a la capacité de se laisser guider par son discernement, cet humain-là va toujours avoir l'impression d'atteindre le but et chaque fois qu'il va atteindre le but, il va déchirer le voile pour découvrir que le but est encore là-bas. Alors, lui-même va conserver dans l'illusion astrale de son ego, parce qu'il n'est pas encore totalement égoïque, qu'on le niaise, qu'on joue avec lui, c'est-à-dire que chaque fois qu'il croit atteindre l'objectif, il le retrouve en avant et plus loin. En réalité, il atteint l'objectif, mais il le brise et il en découvre un autre. L'humain peut se dire, oui, mais est-ce que c'est infini, ce genre de connerie? C'est infini dans un point de vue, et ce n'est pas infini. C'est-à-dire que c'est totalement infini, mais ce n'est pas parce que c'est infini que l'humain n'a pas la capacité d'absorber dans un moment tout cet infini. Est-ce qu'on peut se rendre théoriquement du premier but à, et que le premier but soit le bon but? Ben c'est de toute façon ce qui va arriver. Bon, mais ça peut être long, là. À se promener de réalité en réalité, on n'est pas... Non, ce n'est jamais long, c'est un point de vue. Le temps. Le temps est uniquement un point de vue. Que dis-tu de ceci? Présentement, nous sommes assis ici. Et il y a, quelque part en Italie, des chrétiens qui sont libérés dans une arène. Arena, sable, c'est un territoire couvert de sable. Et il y a des prisonniers romains qui faisaient partie des légions, qui ont fait des conneries, et qui peuvent être libérés si, de leur pilum, ils sont capables de traverser un chrétien. Un chrétien qui se pousse, qui crisse son camp dans l'arène, et qui... Bon. Présentement, c'est ce qui se passe en Italie, dans la Rome. Mais selon le point de vue de l'actuelle humanité, ils vont dire de la Rome antique, et ils vont dire ça s'est passé. Mais dans la réalité réelle des choses, ce n'est pas la Rome antique, c'est la Rome actuelle. Ce n'est pas Rome, c'est la Rome. Ce n'est pas Italie, c'est la Rome actuelle. Et ça se passe. Présentement, nous sommes assis ici, et à chaque milliardième de seconde, il y a un Charles, un Daniel, il y a un public qui refait exactement les mêmes mouvements. Je lève ma main et la main se lève, elle se lèvera à jamais et elle s'est toujours levée. Jusqu'à temps que ma conscience finisse par embarquer dans la main qui se lève et là je conscientise qu'une partie d'une réalité cosmique que je dis la main s'est levée. J'ai refait le mouvement trois fois ma conscience s'est adaptée à une chose qui a toujours été là, il y a toujours une main ici et la main elle est totalement étirée et elle prend toute l'ampleur de l'espace. Ma main, elle s'en va partout ici. Partout où je peux amener l'illusion de la vision de ma main, c'est qu'il y avait suffisamment de matière pour pouvoir créer l'image de la main, alors que la main a toujours été là et elle est encore là et elle sera toujours là. Tu traverses, quand tu sors, tu prends l'ascenseur. Quand tu prends l'ascenseur, il y a des milliers de corps physiques avec toi. Sauf que ta conscience, elle est dans un temps et un espace donné en termes de conscience, ce qui fait que tu ne conscientises que ce que tu veux bien conscientiser en réalité, que ce que ta conscience te limite à conscientiser. Mais lorsque l'être humain finit par englober l'infinité, il englobe l'infinité, englobant l'infinité, il se libère des mécanismes de l'infini. On dit c'est long. Ça dépend de tes placements, ce n'est jamais long. Aller à Québec sur marchant sur les mains, c'est long. Aller à Québec en avion, ce n'est pas long. Est-ce qu'on pourrait conscientiser tout ce qui va nous arriver dans les 20 prochaines années, le style d'année qu'on connaît ici, là, dans les 20 prochaines années, en l'espace de 15 secondes, et de vieillir soudainement de 20 ans? On ne peut pas le conscientiser comme tu le dis. Ce que l'on peut faire, c'est que la conscience peut s'extracorporifier, c'est-à-dire qu'elle peut sortir du corps physique du point de vue de l'incrustation formée, c'est-à-dire que la conscience de l'humain est présentement totalement englobée, enveloppée de la conscience de l'ego. La conscience de l'ego, c'est une conscience mémorielle qui, pour se prouver qu'elle est là, a besoin d'expérience dans le corps physique, ce qui limite totalement le point de vue de la conscience lucide d'un humain. Si la conscience lucide de l'humain a la capacité, et cela se fait, de s'extracorporifier ou encore de rejeter le corps astral, donc de rejeter l'ego à l'extérieur, parce que j'appelle un jeu de la vie, si la conscience lucide est capable de parvenir à être vivant dans le corps physique, ce qui n'est pas le cas, automatiquement, la conscience lucide, qui est suffisamment développée, aura la capacité de courber l'espace-temps, donc elle aura la capacité de s'en aller immédiatement ici, et ça peut être 20 ans plus tard. Et il y aura eu un corps physique animé d'une conscience gaulique, c'est-à-dire d'une forme de gola, une conscience qui va préserver l'intégrité mémorielle de l'ego, préserver l'intégrité mémorielle des mémoires volatiles, accepter de contrôler le corps physique, de l'animer en fonction de ce qu'il aurait normalement dû vivre, même si la conscience lucide l'aurait habité. Et lorsque la conscience lucide revient, elle va réhabiter un corps physique qui aura été changé, altéré par le biais du temps. Ce que je veux dire, c'est que votre conscience lucide, présentement, habite votre corps physique et elle habite votre corps astral, donc l'ego de l'homme. Quand on dit « j'ai peur », ce n'est pas votre conscience lucide. Quand on dit « j'ai faim », le corps physique a faim, l'ego le perçoit, ce n'est pas la conscience lucide. À peu près tout ce que l'humain exprime ne fait pas référence à sa conscience lucide. Moi, ce que je te dis, c'est que nous pouvons, et la souffrance n'existe dans notre conscience que parce que nous avons une conscience lucide. Si vous êtes capable de sortir votre conscience lucide de votre corps physique et de vous en aller dans 30 ans, votre corps physique va vivre exactement la même vie que si vous seriez resté dedans. Pourquoi? Parce que l'expérience de l'animal humain ne nécessite pas la présence de l'intelligence pour arriver à ses fins. Les archétypes archangéliques s'occupent, le phénomène qui dirige l'évolution des masses s'occupe de diriger les corps physiques. Ça veut dire que l'intelligence actuellement ne nous sert à rien. L'intelligence, présentement, elle ne sert qu'à faire chier l'ego. Elle ne sert à rien d'autre pour l'humain. Elle va servir. Mais si elle n'était pas là pendant 20 ans, elle ne ferait pas chier l'ego pendant exactement. 20 ans. Exactement. Lorsque l'humain ne comprend rien, il ne souffre pas. Mais... lorsque l'humain commence à découvrir, il commence à souffrir. Lorsque la conscience lucide, elle fait souffrir l'ego. Et alors, si la conscience lucide demeure emprisonnée dans le corps physique, pourquoi? Parce que la conscience lucide, premièrement, provient des agglomérats spirituels. La conscience lucide provient du peu de réalité qui a la capacité d'être mémorée intacte dans l'expérience d'une vie d'un individu. Il y aura d'autres déploiements de conscience lucide minuscules à l'intérieur de la conscience astrale de l'humain. L'humain va encore une fois mourir. L'astral encore digère l'âme. La partie de conscience lucide va lentement créer des agglomérats spirituels dans le monde de la mort. Et à un moment donné, ces agglomérats spirituels s'incarnent en même temps que les mémoires réincarnationnelles, ce qui fait que l'humain, cette fois-ci, lorsqu'il est au monde, à travers l'évolution de sa vie, la conscience, les agglomérats peuvent s'incarner à 20 ans, 30 ans, 12 ans à la naissance, ou même à 55 ans, même plus, subitement, l'humain commence à découvrir la souffrance de la conscience. La souffrance d'être conscient. Maintenant, lorsque l'humain développe la souffrance d'être conscient, il a suffisamment d'énergie, de réalité, donc de conscience lucide chez lui, et maintenant, il commence à conscientiser l'intelligence. L'intelligence, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient simplement augmenter, catalyser ou finaliser la mutation du corps physique de façon à digérer totalement l'ego, à digérer totalement les mémoires volatiles, donc à digérer totalement l'âme, pour que l'âme ne puisse pas retourner dans le monde de la mort, ce qui bloque totalement maintenant le phénomène involutif de l'humain. Et cela va permettre la création d'un double éthérique qui va rendre immortelle la conscience lucide de l'humain. Le discernement, l'intelligence, lorsqu'elle descend premièrement, elle va rendre l'ego de plus en plus souffrant. Pourquoi? Être un être souffrant veut dire être un être sensible. Un être sensible veut dire un être qui est de moins en moins épais, un être qui est de moins en moins dense, un être qui est de plus en plus vibrant, un être qui est de plus en plus touchable, un être qui est de plus en plus modifiable. Maintenant, on sait que l'involution, tout ce qui se refroidit, rend les choses extrêmement difficiles à altérer. Si on veut transformer du métal, on doit le chauffer. Si on veut transformer l'eau, bien, c'est en cube de glace, c'est plus difficile que c'est simplement en eau. Pour la faire couler, ça va mieux. Donc, on doit énergiser les choses, on doit leur donner de l'énergie. Lorsque l'être humain est extrêmement insensibilisé, il est extrêmement dense. Lorsque l'être humain évolue, c'est-à-dire que lorsque le corps physique, lorsque le corps vital, lorsque le corps astral, lorsque le corps mental, lorsque la conscience de l'humain est en phase d'évolution, donc d'énergification, nécessairement, elle devient plus sensible. L'intelligence descend. Lorsque l'intelligence descend, elle ouvre une vanne qui va donner beaucoup plus d'informations de la réalité à l'humain. Venant, cela va faire en sorte que dans l'ego de l'humain va être détruit. Premièrement, ses espoirs. Deuxièmement, ses croyances, sa foi, ses archétypes, ses habitudes, ses traditions, ses besoins familiaux, son besoin d'idéal de groupe, son besoin de collectivisme, son besoin d'être reconnu par autrui. Et ça crée nécessairement un marginal totalement abominable. Ça crée une abomination involutive qui devient un phénomène absolument formidable, évolutif. Est-ce que c'est ce qui va l'aider à obtenir un discernement de meilleure qualité? C'est ce qui va l'aider. Encore là, c'est un point de vue très humain. Ça ne va pas l'aider, mais ça va aboutir à un discernement. C'est une conséquence. C'est une conséquence mécanique qui va amener la conscience de l'humain à être capable de discerner des conditions qui vont le libérer des manipulations, des conditions qui vont le libérer de l'assujettissement de l'astral sur lui-même. Autrement dit, à un moment donné, l'humain ne sera plus capable de vivre la souffrance, Il n'en aura plus besoin. Il ne sera plus capable de vivre la peur. Il n'en aura plus besoin. Il ne sera plus capable de vivre la maladie. Il n'en aura plus besoin. Il ne sera plus capable de vivre la crainte, l'angoisse, la jalousie, la colère, l'avarice. Il n'en aura plus besoin. Il sera capable de discerner. Cela va faire en sorte que la conscience de l'ego va maintenant être nourrie par une divinité, du point de vue de l'ego, un Dieu, une puissance, une énergie tellement orchestré sur la réalité que notre être humain, lorsqu'il va observer le monde, il ne va avoir qu'une vision réelle des choses, même si dans le début, la vision réelle des choses n'est pas une vision qui va venir le rendre heureux. C'est ce que l'humain considère souvent dans l'évolution de la spirituelle de l'ego. L'humain considère que lorsqu'il va voir Dieu, il sera plus heureux. Il faut. Lorsque l'humain prétend théologiquement que lorsqu'il va avoir la vérité, ben, la vérité, c'est l'accréditation planétaire de son point de vue. Alors là, il va être heureux. Mais il n'y aura jamais la vérité totale. Pourquoi il y aura toujours un imbécile qui va venir lui dire que sa vérité n'est pas la bonne? Donc, l'humain qui vise la vérité vise l'accréditation planétaire de son point de vue. Mais l'humain qui décide de viser la réalité, nécessairement, ne pourra pas avoir un cheminement heureux. Il aura un cheminement qui va lui amener de l'énergie. Il aura un cheminement qui va l'amener à vivre plus solidement. Il aura un cheminement qui va l'amener à comprendre mieux les choses. Il aura un cheminement qui va l'amener à être capable de supporter un désespoir de l'ego, une peur de l'ego, une crainte de l'ego, un suicide de l'ego. Il aura un cheminement qui va l'amener à comprendre le monde de la mort. Il aura un cheminement qui va l'amener à cesser de mourir dans le monde de la mort, même s'il perd le corps physique, et à devenir immortel dans le plan moronciel, dans un dôme éthérique. Il aura un cheminement qui va l'amener à se libérer finalement de l'attraction de l'espace-temps. Donc, il aura un cheminement qui finalement va le libérer totalement de toute la condition évolutive de l'ego. Il aura un cheminement qui finalement sera non pas égal, mais de très supérieur à ce que l'ego dans la spiritualité théologique essaie de viser. Sauf que la spiritualité théologique n'est qu'une farce cosmique. Ce n'est qu'une interprétation extrêmement manquée. Est-ce qu'il n'y a pas de... Il y a seulement du danger, je ne poserai pas cette question-là. Est-ce que ce n'est pas risqué pour l'ego de voir la réalité? Est-ce que ce n'est pas dangereux qu'il saute? Premièrement, un ego ne saute pas. Qu'il se fasse bouffer ou... Oui, mais même si la parole n'est pas juste, tout ce qu'on pourrait y rajouter, l'ego ne fait pas ça. Donc, l'ego ne se fait pas bouffer, l'ego ne... Bon. L'ego ne se suicide pas, l'ego ne saute pas, l'ego ne meurt pas. Pas comme tel. Lorsque la réalité vient instruire l'ego, premièrement, cela veut dire que le corps physique a une génétique suffisamment puissante pour être capable de supporter. Là, évidemment, je parle d'un individu qui, de lui-même, une décision qu'il prend, un individu qui, à un moment donné, va quelque part pour aller chercher de la réalité. Un individu qui fait un voyage où il découvre les choses, il revient changé. Un individu qui vient à une conférence ici, il va repartir changé. Mais un individu qui s'est fait traîner de force pour aller quelque part, lui peut, effectivement, avoir de gros problèmes. Mais l'individu qui, dans une certaine forme de liberté, le fait lui-même, n'aura pas de problème. Il va souffrir. Pas toujours. Il y a des êtres humains qui ne souffrent pas de la conscientisation et qui souffrent de ne pas souffrir de la conscientisation. Bon. Parce que, ben oui, mais comment ça fait que tout le monde souffre? Moi, je ne souffre pas. Fait que peut-être que je me conscientise mal. Peut-être que... Bon. Fait qu'il n'y a pas de, nécessairement de douleur ou de souffrance. Non. À ça voir dépend la des réalité. Ça dépend des mécaniques réincarnationnelles qui ont constitué l'ego et qui le constituent quotidiennement. Donc, notre être humain, lui, va avoir un ego, l'ego va être brisé, l'ego va subir des mutations, il y aura une chirurgie astrale, une chirurgie amique, une chirurgie égoïque, donc il y aura une chirurgie de l'ego, qui sera menée par l'interpréteur psychologique qu'on appelle l'intellect, qui sera menée par l'ajusteur de pensée, qui est un rectificateur de pensée dès le début, qui devient un ajusteur par la suite, et qui sera nécessairement contrôlé par l'intelligence supramentale, qui est l'esprit même de l'individu. Et l'individu, ce n'est que de la plasticine qui a été mal formée à un moment donné parce que le contexte des mondes refroidis était inapproprié. Notre individu qui a, donc l'ego qui vit un contact avec la réalité par le discernement, donc par le contact avec l'intelligence supramentale au plus bas niveau de contact avec les phénomènes extraplanétaires, l'individu va vivre des mécaniques qui vont, premièrement, l'amener à envoyer de l'information au monde de la mort. C'est là que les problèmes vont commencer. Le monde de la mort qui est égrégorisé, le monde de la mort qui l'a engendré, c'est-à-dire que son âme vient du monde de la mort, le ciel. S'il est chrétien, il vient d'un égrégore chrétien. Donc, nécessairement, il y aura tout un paquet de divinités là-dedans. Bon, des divinités secondaires qu'on appelle des anges, des archanges, etc. Et évidemment, un Dieu, il y aura peut-être Joseph, il y aura Marie, il y aura les mémoires de Jésus, il y aura les mémoires d'un paquet de saints qui, eux, se nourrissaient de cet égo-là, de ce personnage-là et de ceux qui l'entouraient. Lorsque la réalité vient frapper l'ego d'un individu, automatiquement par le canal réincarnationnel, l'information gagne le monde de la mort. On appelle cela supramentaliser le monde de la mort. Ça crée des égrégores astrales supramentales. Sauf que dans le monde de la mort, on n'est pas prêt, il n'y a pas d'évolution dans le monde de la mort, alors là, on vient carrément tuer, démolir le monde de la mort. Là-dedans, ça saute. Alors le monde de la mort va commencer par essayer de parler à ton ego, donc de récupérer ton ego pour bloquer son discernement, c'est-à-dire que le monde de la mort va maintenant envoyer un peu plus d'informations à l'ego. De l'information, le monde de la mort va devenir un maître concurrent à la réalité. L'information pourrait ressembler à l'information qu'il y aurait dans le plan supplémentaire, oui. Vu qu'elle a déjà été amenée dans par l'antique antiquité. Oui, ça fait longtemps, quelques milliards d'années. Le monde de la mort devient maintenant un maître qui veut entrer en concurrence avec la réalité, l'intelligence supramentale, ton intelligence active, qui n'est pas tributaire de tes mémoires. Alors immédiatement, le discernement devient faussé. Tu as eu une vision discernative, et tu as compris des choses, et puis à un moment donné, ben, tu te refroidis, puis là, tu reviens aussi perdu qu'avant. Il y a concurrence. Le canal réincarnationnel amène de l'information à ton ego, et là, l'ego, lui, ne sait plus si c'est le mental, si c'est de l'intelligence, si c'est de la réalité, ou si ce n'en est pas. Pourquoi? Parce que maintenant, on va mettre de l'information qu'on a toujours cachée à ton ego. Mais dans un sens comme dans l'autre, tu es maintenant en train de te former. Tu t'informes, c'est-à-dire que tu te formes à l'intérieur. Tu t'informes du monde de la mort, tu t'informes de la réalité. Le discernement, ce niveau-ci, n'est pas utile. C'est-à-dire que l'humain qui l'aurait, tant mieux. Mais l'humain qui dit, oui, mais comment discerner? Moi, je le réponds, je m'en fous, comment vous allez discerner? Que vous discerniez ou non, de toute façon, vous grimpez. Et au fur et à mesure que vous grimpez, vous avez de nouvelles questions au niveau astral, vous avez de nouvelles reformulations, c'est-à-dire que le rectificateur de pensée va rectifier les informations que le monde de la mort amène à l'ego. Cela va engendrer des questions que l'ego ne veut pas répondre, que le monde de la mort ne veut pas répondre. La réalité ou l'intelligence supramentale vient répondre. Immédiatement, en concurrence du monde de la mort, donc encore une fois, tu as accès à l'information qu'on te cachait, qui reste du mensonge, qui reste mémoriel, qui reste mort. Cette information est morte, sauf qu'elle est énergétiquement beaucoup plus nutritive que ce que les théologies ou la sociologie t'amenaient avant. Donc, l'individu est en train de monter graduellement. À un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il y a du monde de la mort, la découverte que tu es en train de te diriger vers une conscience lucide, c'est-à-dire vers une libération de ta conscience. Tu risques fortement d'échapper à l'emprise collectivisante des théologies, des sociologies, des psychologies, bref, du monde de la mort. Tu risques de devenir ton seul maître. Et ça, ce n'est pas intéressant. C'est un risque pour le monde de la mort. Le monde de la mort, qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement, il commence à envoyer de l'information à tous ceux qui t'entourent. Par le canal réincarnationnel, il vient manipuler leurs égos pour que ces égos-là finissent par humainement te récupérer. Ils vont te donner des bêtises, ils vont se suicider, ils vont se droguer, ils vont s'alcooliser, ils vont se chicaner, ils vont te chicaner, ils vont te rentrer dans des sectes, ils vont te sortir de la secte où tu es en train de te réveiller. Ils vont, l'entourage au complet commence à boucher. Pour te donner suffisamment de fil à retordre, parce qu'à l'époque, on tournait du fil, c'était compliqué, alors on faisait des barbelés à main, on du fil à retordre pour que tu ne puisses plus mettre de l'énergie dans le discernement de la réalité, mais pour que tu deviennes un terrien terrestrifié, occupé, avec des occupations totalement planétaires. Si tu ne succombes pas à ce genre de manipulation, autrement dit, finalement, tu envoies tout le monde promener, de toute façon, ils se promenaient déjà, mais là, ils se promènent sans toi. Si tu laisses les autres se promener sans toi, automatiquement, le monde de la mort souffre. Est-ce que le fait de douter de la provenance des informations ou même de la source de l'information fait en sorte qu'ils vont être obligés d'augmenter leur qualité d'information dans le monde de la mort puis que ça va s'approcher davantage de l'information que tu aurais du plan supplémentaire? C'est ce qui va arriver, mais le doute suprême, c'est ne pas vouloir avoir raison. C'est se foutre royalement de savoir si ce que nous faisons ou si ce que nous disons est une réalité ou une vérité. C'est là le point important, c'est d'être suffisamment égoïque pour de toute façon s'en foutre. Alors, vu qu'on s'en fout, le monde de la mort voulait absolument que tu adoptes un point de vue céleste, va augmenter la qualité et la quantité d'informations, mais vu que tu t'en fous toujours, l'intelligence t'amène de l'information, vu que tu t'en fous toujours de savoir si de toute façon c'est ça, est-ce que je dois boire ou pas boire, est-ce que c'est intelligence, c'est mon ego, est-ce que tiens, je bois puis je m'en balance, et là, l'ego peut dire, ah ah, je t'ai eu. C'est possible, mais c'est possible que non, de toute façon, je m'en fous. Quand j'aurai pas soif, je ne boirai plus. Quand j'aurai soif, je boirai. L'humain doit, premièrement, comme j'ai déjà expliqué dans une conférence, instruire, donc parler à son ego. Ce qui arrive, il arrive que l'information est de plus en plus de qualité, de plus en plus en quantité. Mais si on n'est pas capable de te restreindre par la manipulation de ton entourage, on peut envoyer des messagers du monde de la mort pour maintenant, non plus par la pensée, venir manipuler ton ego. Il y a eu un temps où tu n'avais pas soif et dans ta pensée, on te disait « Je vais boire de l'eau, j'ai soif. » Alors, tu buvais de l'eau parce que tu pensais que tu avais soif. Mais maintenant que ça ne fonctionne plus là, tiens, je vais donner une claque dans le visage de personne-là, je la hais. Et en même temps, tu te dis « Tiens, c'est l'ego qui parle ça. » Ben, ça il est, mais moi, je m'en vais quand même par là-bas. Ça ne fonctionne plus. Tu n'es plus capable de te laisser manipuler par ta pensée parce que maintenant, tu vois la parole dans ta tête qui, elle, est une preuve de contact supramental, bien que le monde de la mort peut jouer la parole. Mais ce n'est pas grave. Quand le monde de la mort joue la parole, il est déjà beaucoup plus évolué dans ce qu'il te demande que lorsqu'il pense dans ta tête. Parce qu'il ne peut pas jouer la parole dans des bas-fonds. Il ne peut pas te faire dire dans ta tête, « Tiens, je vais aller le tuer. » Et s'il ne peut pas, il peut te le faire penser. « Oh, le tabac, je vais vraiment le tuer. » Ah, il peut te le faire penser, pas le dire. Donc, lorsque le monde de la mort parle dans ta tête, c'est déjà plus évolué. Maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'on va parler. On va envoyer maintenant des messagers pour bloquer le discernement. Les premiers messagers dépendant de ton ego, ça peut être des phénomènes qui se retrouvent dans ta famille. Tu viens de perdre ton père, ta mère ou quelqu'un, et puis là, ça peut être ce personnage-là qui, en termes de mémoire moronciel, va venir essayer de te contrôler. Si tu dis « va te coucher », comme d'où tu viens, ou encore tu lui dis simplement, c'est la meilleure question posée à une entité qui vient te voir, c'est « qui es-tu? Je suis ton père. Menteur, qui es-tu? D'ailleurs, tu ne me reconnais pas, je suis ton père. Si tu ne dis pas qui tu es, je ne te parlerai plus jamais. » Et là, immédiatement, ça se transforme, puis bien souvent, ça devient relativement satanique. Et là, ça avoue qui c'est. Parce que ce n'est juste tout de la frime. Si ça ne fonctionne pas par la parenté qui décédait, on envoie un guide de lumière, on envoie... Bien souvent, il y a des individus qui me disent, « Il me semble, M. Kim, que vous venez me voir dans mes rêves. » Alors moi, je réponds, « Non, j'ai bien d'autres choses à faire que d'aller te voir dans tes rêves. » Alors, on envoie des formes qui peuvent me ressembler pour venir instruire l'individu. Alors, quand on paye pour venir m'entendre, c'est moi qu'on entend. Quand c'est gratuit puis on m'entend, pas moi qu'on entend. Si c'est pas disponible sur la cassette, c'est pas toi. Mais la cassette, tu l'as achetée ou tu l'as empruntée, quelqu'un l'aura achetée. Mais dans le rêve, ces choses-là, non. Il doit y avoir un échange d'énergie et dans le sommeil, l'humain est encore plus facilement manipulable. Et je n'ai vraiment rien à foutre d'aller voir l'humain dans son sommeil pour lui dire « Ah, oh, ben, tu devrais faire mon séminaire. Ah, oh, ça va t'aider. » Bon, de toute façon, l'humain n'aura jamais l'argent pour faire le séminaire que je donne si ce n'est pas le temps qu'il le fasse. Ou il y aura d'autres inhibitions. Il n'y a pas une seule manipulation qui va le forcer à le faire. Mais il y a de temps en temps des individus qui me demandent si c'est moi. Mais franchement, ce n'est jamais moi. Ça me ressemble. Ah, ça me ressemble. Mais posez-y la bonne question. Qui es-tu? Vous allez voir à un moment donné qui ça va être. C'est jamais beau. C'est trop beau dans le début. C'est évident que ça n'arrivera pas avec des crottes au nez pour aller vous dire que c'est un grand maître. Vous ne le croirez pas. Alors, ça arrive tout bien habillé avec une odeur astrale extrêmement intéressante. Et puis là, on suit ça. Si ça ne fonctionne pas, là, il y a des problèmes. Là, on va forcer l'être contrôle qui normalement dirige ce qui se réincarne chez l'être humain en fonction de son corps physique. Et je répète que tout est mécaniquement prévu dans le monde de la mort, sauf que l'intelligence n'est pas prévue. Lorsque tu as un contact avec l'intelligence, il y a beaucoup de choses que tu vas faire qui ne sont pas prévues dans le phénomène créationnel. Donc, ce n'est pas dans des avenirs possibles au niveau du monde de la mort. Un voyant ne peut savoir, un dieu ne peut savoir, le monde de la mort ne sait pas. Étant donné que tu es en train de devenir ton seul maître, tu fais souffrir le monde de la mort. Dieu souffre, les égrégores souffrent, les nations souffrent, les théologies souffrent. Si moi je dis à des témoins de Jéhovah que je suis mon seul maître, ils vont vouloir, ils vont souffrir. Je dis à des mormons, je suis mon seul maître, ils vont souffrir. Ils vont se mettre ensemble pour que je ne le sois plus. Que je rentre dans l'une des deux religions, après ça, quand je serai rentré là, l'autre verra ce que je rentre là, et vice-versa. mais ils sont capables de se mettre ensemble pour me sauver au minimum du plus grand piège, celui de penser être son seul maître. Toutes les théologies du monde de la mort sont capables de s'allier pour empêcher un humain de se libérer du phénomène de la mort. Donc, pour empêcher un humain de devenir immortel, pour empêcher un humain de se sauver lui-même. Parce que pour eux autres, c'est une question de vie ou de mort. Exact. Quel que soit, parce que de toute façon, on peut convertir un autre. On ne peut pas convertir un humain qui est libre. Alors, si trop d'humains se libèrent, à un moment donné, on ne pourra même plus se... C'est ça. C'est comme on est vendeur d'assurance. À un moment donné, la clientèle ne veut plus d'assurance. Alors, on va s'allier pour faire une campagne de publicitaire. On va faire la Corporation des maîtres assureurs du Québec pour dire à tout le monde, assurez-vous n'importe où, mais bordel, assurez-vous. Bon, puis quand ils seront assurés chez vous, après ça, j'irai les voir, qu'ils viennent assurer chez moi. Sois assuré. C'est ce qui arrive dans le monde de la mort. C'est pas rassurant. Mais là, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que l'aide contrôle va laisser passer les choses qu'il ne fait pas passer normalement. Il y a des chances même que le monde de la mort soit suffisamment souffrant. Quand une chose souffre, elle devient puissante. Alors, on peut même faire briser l'être contrôle et le canal devient totalement sous le contrôle des théologies. Alors maintenant, on peut envoyer des phénomènes amiques qui seront sataniques, qui te feront peur astralement. On peut envoyer des mécaniques réincarnationnelles pour te rendre paranoïaque, pour que tu doutes de tout le monde, de tout. Alors finalement, nécessairement, tu ne l'as plus du tout. Mais ça, ça aide pas justement, le doute du doute. Ce n'est même pas le doute du doute, parce que tu ne doutes pas du doute. Okay. Tu doutes de tout, mais pas du doute. Donc, tu deviens paranoïaque. On peut envoyer des mécanismes amiques qui vont te rendre totalement psychotique. Tu vas te prendre pour un extraterrestre, tu vas te prendre pour un fusionné, tu vas te prendre pour quelque chose d'autre. La problématique, c'est que tu te prends pour un point de vue. Tu crois avoir raison. Et on ne doit jamais avoir... On ne doit jamais laisser notre ego croire qu'on a raison. Jamais. On n'a ni tort ni raison. On vit. Si ça ne fonctionne pas, on va revenir la semaine prochaine sur cette mécanique, on peut envoyer des armes tueuses. Si ça ne fonctionne pas, on va demander à des mécaniques archangéliques de s'occuper de ton corps. Si ça ne fonctionne pas, on va implorer des égrégores extrêmement puissants, soit nazaréennes, soit lazaréennes, pour qu'on s'occupe de ton corps. Si ça ne fonctionne pas, et on t'envoie promener, maintenant, on n'a plus rien à faire, t'es libre. Tu coûtes trop cher d'énergie, on est mieux de te laisser aller. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va immédiatement tout prendre le montant qu'on avait mis, le montant énergétique qu'on avait mis pour te récupérer, et on va le mettre sur la majorité des humains qui pourraient un jour te toucher, te rencontrer. Pour les préparer immédiatement contre les faux prophètes, pour les préparer immédiatement contre ceux qui disent que, pour les préparer immédiatement contre ceci, cela, cela, cela, de façon à ce que si tu es seul, que tu ne puisses pas rayonner ou imprégner trop d'humains. Mais de toute façon, c'est perdu d'avance pour le monde de la mort, mais ce sont des mécanismes par lesquels l'humain va passer. Mais est-ce que mécaniquement, de toute façon, il est prévu qu'il y en ait qui vont devenir comme ça, puis qu'on va arriver de toute façon au même nombre mathématique de personnes dans cette situation-là? Bien, même nombre mathématique de corps physique. De corps physique. 144 853. Mais lorsque, ce qui est surtout prévu dans la mécanique astrale, c'est que normalement, un individu qui se conscientise peut être récupéré. Ça devient un martyr de la transition supramentale. Ça devient un être humain qui a un contact supramental. Il est supramentalisable, mais il a tellement d'ego qu'il est convaincu que lui le sait, que lui a le point de vue. Un humain peut dire « je sais ». Mais un humain ne peut pas dire « je sais » et puis « un tel ne sait pas ». C'est juste là qu'il y a la nuance. Moi, quand je sais, je sais. Mais je sais aussi que j'ai un point de vue qui peut être d'une envergure absolument, difficilement, disons, compréhensible pour beaucoup d'humains. Mais je n'ai pas encore le point de vue créationnel. Je n'ai pas encore la vision de la création. Mais je ne veux, de toute façon, je n'ai rien à dire. N'importe quel humain, son point de vue reste authentique. Pourquoi? Parce qu'il était inclus dans le mien. Je ne peux donc pas dire « j'ai raison et il a tort ». J'ai raison et plus que lui, peut-être. Mais il n'y a pas tort. Bon, tout le monde a raison et tout le monde a tort. Ben oui. Mais tout le monde a tort parce que tout le monde prétend avoir raison uniquement eux. On n'a que tort de prétendre qu'on a raison. Ce qui fait que l'humain qui, à un moment donné, arrive à un certain niveau, ne joue pas avec ce genre de mots « j'ai raison, j'ai tort ». On fait quelque chose, ça ne va pas. C'est qu'on avait raison, dans notre point de vue. Si toute la création aurait été dans notre point de vue, hein, on aurait eu raison. Mais est-ce qu'on peut améliorer son discernement juste dans le sans but ultime, mais juste pour avoir une vie moins désagréable. Je dirais même pas agréable, moins désagréable, ou pour éviter des pièges qui nous seraient tendus. Dans la conscientisation supplémentale, il y a de la place pour les choses agréables. Il y a de la place pour le luxe, il y a de la place pour l'esthétique, il y a de la place pour le plaisir, il y a de la place pour la jouissance. Pour sexuel, je ne parle pas de ce genre de conneries, je parle d'une jouissance. Il y a de la place pour énormément de vibrations, il y a de la place pour de la vie, il y a de la place pour beaucoup de choses. Sauf que le désir, pas le désir, mais le plaisir, la jouissance, les choses plaisantes, revêtront une énergie d'une ampleur totalement inconnue de l'humain dans la phase astralisée de sa perception de l'univers. Lorsque l'être humain présentement est content, lorsque l'être humain est joyeux, lorsque l'être humain jouit de la vie, jouit de quelque chose, et c'est exactement comme si tu dis « je vais te donner de l'eau » et tu ne fais que voir le verre d'eau, puis l'humain appelle ça de la jouissance. Lorsque l'humain passe à une phase supplémentale, bien, il peut carrément boire l'eau. Il y a une grosse différence dans ce qu'il connaît de la jouissance. Sauf que c'est une accumulation d'énergie qui ferait sauter à peu près n'importe quelle génétique actuellement. Donc, il y a une étape d'évolution. Celui qui développe son discernement, premièrement, qu'est-ce qu'il fait? En développant son discernement, c'est évident, c'est un égoïste. Donc, il diminue la grosseur de son ego. Diminuant la grosseur de son ego, pendant un laps de temps, il va amplifier l'apparence de son évolution. Il va amplifier l'apparence de sa colère, l'apparence de son impatience, l'apparence de son évolution. L'apparence seulement. Dans la réalité des choses, il est en train de devenir un être immortel, pas dans le corps physique dès le début, mais dans la conscience lucide. Celui qui se discerne, donc celui qui apprend à discerner, non seulement va être capable d'apprécier la vie, il ne dit pas sa juste valeur, il n'y a pas de valeur, mais il va être capable d'apprécier la vie d'une façon de plus en plus neuve et de plus en plus intéressante. Il va être capable de comprendre ce que c'est que le choix supramental, c'est-à-dire qu'il va être capable de se laisser guider par des mécaniques qui vont l'amener à comprendre, astralement et mentalement, l'intelligence de ne jamais travailler. Bon. Maintenant, il y a une nuance majeure. Quand l'ego comprend l'intelligence, quand l'ego croit comprendre l'intelligence de ne pas travailler, il en déduit que cela veut dire c'est foiré. Non. Ne pas travailler veut simplement dire de... Le travail, qu'est-ce que c'est? Le travail, c'est de gagner son pain à la sueur du front des autres. Ça, c'est une théorie juive, enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Le travail, c'est de gagner son pain à la sueur de son front. C'est une vieille théorie qui a prévalu longtemps et qui prévaut encore. Le travail, c'est effectivement de gagner son pain à la sueur de son front. Ésotériquement, la sueur, c'est de l'eau qui sort à travers les pores de la peau et qui contient énormément d'énergie vitale. Alors, on va parler de trucs, à un moment donné, qui, on ne dit pas qu'ils transpirent, mais on dit qu'ils suintent. Là, on a des reliques de différentes religions qui, à un moment donné, transpirent. Bon, moi, personnellement, j'achèterais quelque chose, là, puis j'en mettrais un peu pour que ça cesse de transpirer. Les humains, ils viennent transpirer avec, là, dans une salle, là, regardez. Chacun son point de vue. La transpiration, c'est de l'énergie vitale. C'est la vie. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, veut dire... Tu gagneras ton pain en transmuant l'intelligence, ton front, la tête, en condition animale de vie. Mais travailler, on ne doit pas travailler. On ne doit pas transformer sa vie et son intelligence en conditions qui vont permettre le support de la vie. Ça doit se faire tout seul, ça. Donc, qu'est-ce que c'est que celui qui arrive à un discernement va être capable d'avoir la faculté de placer des repères pour pouvoir paramétrer la dose de sueur, la dose de vie qu'il doit mettre pour atteindre un objectif. Moi, je dis, je veux boire de l'eau. Si j'ai à boire de l'eau, j'aurai facilement de l'eau. Et ce facilement de l'eau veut dire que je lèverai le bras, je le tendrai, je fermerai les yeux, et si je suis capable d'attraper un gobelet d'eau, c'est que j'ai à boire de l'eau. Alors, je ferme les yeux, je lève la main, je tends, et je dis, ah, tiens, non, je ne vais pas à boire. Et c'est. Mais là, les autres individus, qu'est-ce qu'ils font aux autres? Ah, non. Mais je dois gagner mon eau à la sueur de ma main. Et là, ça s'en va, ça s'en va. Puis à un moment donné, ça... Et puis là, voilà. Et puis là, il boit. Puis il dit, ah, ben ouais, ça n'en valait pas, hein? C'est, le jeu ne valait pas à chandelle. Il a travaillé. Mais pour... Et il devra travailler quotidiennement, tous les jours. pour décider de la dose d'énergie que tu es prêt à mettre pour atteindre un but ou pour attraper ton verre d'eau, il a fallu que tu te fies à quelque chose, à une intuition ou une impulsion. Ça peut ça aussi être un mensonge carrément. Puis, mais on s'en fout. Peut-être qu'il fallait que tu mettes ton bras à 10 degrés avant d'avancer. Exact. Mais comment discerner si tu hésites entre les deux, entre avancer le bras à 10 degrés ou l'avancer droite, comment discerner le bon? Un point important sur le discernement. Le discernement n'est pas une condition consciente et volontaire de la conscience de l'humain. Je ne dis jamais, bon, je vais discerner. Bon, il y a ça, ta-ta-ta-ta-ta, il y a ça, ta-ta-ta-ta-ta-ta, je discerne, c'est ça. C'est pas du discernement, ça c'est une prise de décision. C'est pourri. Le discernement, ce n'est pas ça. Le discernement, c'est la faculté qu'a l'humain de se laisser guider par l'intelligence. Mais tu peux te laisser guider par le monde de la mort. Mais on s'en fout! Ben, tu peux crever de faim, tu peux crever de faim ou de soif. Non! Tu cherches un verre d'eau. Non! Est-ce que... Tu te fies à ça, toi, le monde de la mort qui va me dire comment trouver mon verre d'eau? C'est une gang d'imbéciles. Regarde encore, je recommence, tu n'as rien compris, voilà. Tu vas tomber sur l'autre bord. Tu vas tomber sur l'autre bord. Je recommence. Mon corps physique a soif, donc il communique par le biais du péristrie à mon ego que mon corps a soif, mon ego souffre. Je décide que je ne veux pas travailler pour boire de l'eau, mais je fais quand même un minimum. C'est-à-dire que si je reste ici à attendre qu'il me pleuve dans la bouche, à la bouche bien fermée, je vais mourir de soif. Mais je décide que je fais les premiers pas. Et le ciel est supposé m'aider. Voilà, ça l'apprendra. Je commence. Je trouve l'eau, je renverse, je bois un petit peu, pas grave. Mais le lendemain matin, je recommence. Mon ego va finir par souffrir assez qu'elle va autoriser mon mental à savoir où est le verre. Fais confiance à l'imbécilité de l'astral et du monde de la mort et à ce qu'ils endurent en haut, eux, quand on ne nourrit pas l'expérience de leur mémoire. La première chose que tu dois faire, ça va être, par exemple, tu viens me voir et tu me dis, j'aimerais ça si tu pourrais me prêter un billet de 1 000 $ pour 2 jours. Alors, je te prête un billet de 1 000 $, tu n'en as jamais vu. Là, tu le mets dans ta chambre, tu le montres à ton ego. Tiens, regarde. Là, tu ne le tries pas, tu ne le dépenses pas. Tu vis avec 1 000 $ pendant 2 jours, après tu reviens, tu me le redonnes. Là, maintenant, le cave, tu t'es tellement nourri, si tu le veux, arrange le monde pour qu'il vienne à toi. Tu ne travailleras pas, mais il faut faire attention. L'individu se lance pas en affaires maintenant d'une façon absolument exorbitante. On se lance en affaires quand les affaires se lancent vers nous. On ne travaille pas. On se lève le matin et on est heureux d'aller travailler. On arrive au bureau et on sort la lettre et c'est une commande de 20 000 bebelles que tu vends. Et tu dis, tiens, c'est bon quand même, hein? On n'a même pas fait de publicité encore. Bon, c'est une bonne affaire. Et c'est comme ça qu'on doit vivre. Là, ce n'est pas du travail. On continue, là, dans la deuxième partie. J'ai des questions là-dessus sur la commande de 20 000. Ceux qui veulent des informations sur les séminaires et les cours donnés par Danis, le gestionnaire de pensée, tous les réceptionnistes à la main peuvent vous aider.